perdre mes rêves, mais le réel me perturbe. Vu la couleur de merde, j'ai recouvert de peinture. Un poète égaré, mais pour le reste, ça m'est égal. J'ai vu des plages et des galets, et puis la vie faire ses dégâts. Souvent, le sourire aux lèvres, malgré les blessures. Après une chute, on se relève, ça, rien n'est moins sûr. On s'était dit qu'on ne changerait pas, et ce, quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que la vie sans un changement de taille? Double tranchant, c'est le couteau de mon avenir. J'ai un double penchant, sortir avec le sourire. Mes ambitions changent, j'ai pris des coups de vieux. J'en suis rendu à donner des conseils du type écoute mieux. C'est grave, mais bon, je le réalise. Fini de jouer, faut que je me casse avec une mise. Marre d'un avenir fantasme, la vie m'a réconcilié. J'ai accompli mon fantasme, mais je peux donc avancer. On s'était dit tant de choses, du genre changerai pas. J'y croyais, mais c'est loin, j'ai essayé, mais seulement. Là, il suit son cours, autant que les gosses suivent les miens. Quand je vois mon parcours, il irait plus loin que demain. On s'était dit tant de choses, du genre changerai pas. J'y croyais, mais c'est loin, j'ai essayé, mais seulement. Là, il suit son cours, autant que les gosses suivent les miens. Quand je vois mon parcours, il irait plus loin que demain. Ambition différente depuis que mon pote m'a appelé. Ouais, je suis marié, le gosse est en train d'arriver. Ce sont des choses qui marquent, ouais, qui te marquent un homme. Et dire que pendant ce temps-là, moi, je profitais d'une meuf canon. Mais les choses changent, à 24 ans, j'ai mûri. Plein d'idées dans la tête, dont mon avenir se nourrit. Travailler avec des gosses fait que la question se pose. En quête d'osmose et l'espoir qu'elle se rapproche. On est tous pareils, on a tous bien changé. Et mes sons dans l'appareil ne font que le confirmer. 2008, c'est loin, n'est-ce pas, de cas? A-t-on la même vision? Fait-on les mêmes écarts? J'ai plus de regrets, les erreurs font avancer. Avant j'avais des projets, maintenant j'ai une réalité. J'ai plus de regrets, les erreurs font avancer. Avant j'avais des projets, maintenant j'ai une réalité.